Ils sont partout. Ils nous permettent de regarder la télé, de surveiller les feux de forêt, de savoir qu'il pleuvra après-demain, de trouver la pizzeria du coin du bout de son téléphone, de mesurer le déplacement des plaques tectoniques, de surfer sur le web depuis un bateau de croisière. Et pourtant, ils sont plutôt discrets. On ne pense jamais à ces appareils hyper sophistiqués qui risquent leur carcasse à chaque instant pour nous permettre nos habitudes de vie modernes. Je veux bien sûr parler des satellites. Nous sommes le 21 juin, bienvenue en été en passant. Ce soir, c'est Podcast Science 91, 91 et justice sera enfin rendue puisque c'est notre ami Marco qui va tout nous raconter sur ces drôles d'engins. Bonsoir, professeur Fon, pour vous accueillir. Alors, ce soir à mes côtés, pas grand monde en réalité. Marco doit nous présenter son dossier, mais il a un petit problème de métro. Il va nous rejoindre avec un petit peu de retard. Franck, on ne sait pas où il est passé. Il devait être avec nous et il a disparu. Franck, si tu nous écoutes. Par contre, on a un invité surprise ce soir en la personne de Georges Mackie. Georges, t'es avec nous? Oui, et mon virus du rhume aussi. Ben, bienvenue à vous tous, et à toi et à ton rhume. Ce soir, on va commencer par un retour sur la news de la semaine dernière que Franck avait présentée en fin d'émission. T'avais une réaction, Georges, t'as voulu venir la partager sur le podcast, donc on y viendra tout de suite. Ensuite, on aura le dossier de Marco sur les satellites artificiels. Et puis, on présentera le dossier de la semaine prochaine. Et si jamais Franck nous rejoint en cours de route, on aura peut-être une nouvelle news de Franck avec peut-être une nouvelle réaction de Georges, qui sait. Donc, Georges, la semaine dernière, en fin d'émission, on avait évoqué l'annonce faite par l'OMS qui maintenant classe officiellement les gaz d'échappement des moteurs diesel comme cancérogènes pour l'homme. Et tu as voulu revenir là-dessus à travers un petit billet d'humeur, donc revenir sur cette annonce du CIRC et son traitement par les médias que tu as trouvé surdramatisé. Donc pas particulièrement chez Podcast Science, où Franck finalement n'avait fait que relayer l'info telle quelle, mais voilà, c'est chez Podcast Science que les auditeurs ont la parole. Donc on est ravis de t'accueillir pour que tu puisses réagir. Ben, d'abord, merci pour l'invitation. Et effectivement, c'est bien la façon dont les médias ont rapporté le communiqué de presse du CIRC qui m'a irrité et non la news de Franck, hein, qu'on soit bien d'accord. Et que pour les choses soient bien claires, je ne remets pas du tout en cause les travaux du CIRC ou l'étude qui a marqué sa décision. Paradoxalement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous dirai Ok, pourquoi. ouais, alors je me réjouis. Alors, en attendant, je vais prendre comme exemple Europe numéro 1, qui, dans sa matinale du jour de l'annonce, dit la pollution mortelle des voitures diesel. 42 000 décès dus au diesel, un chiffre du ministère de l'écologie. 1 000 à 1 500 cancers du poumon dus au diesel, des chiffres de l'Institut national du cancer, nous dit la journaliste. Ou encore l'Express qui titre, reprenant les titres d'un expert cité par le journal Le Parisien, rouler au diesel, c'est criminel. Bon, Ouais, bon, alors, moi je ne sais pas, mais pour vous, mais pour moi, ces infos qui font peur le matin, ça mine un peu la journée. Alors, avant de mettre votre criminel de voisin et sa Peugeot diesel en prison, ils sont criminels, nous pourrons, on peut regarder qui dit quoi en vrai. Ok, donc tu as fait ce travail. Alors j'ai fait ce travail. Tu es allé décrypter l'information pour nous. Bah, c'est magnifique. Alors, qui dit quoi? Alors sur son site, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, c'est un titre très français ça, pour un ministère, écrit dans son plan particules, en 2005, une évaluation de l'impact sanitaire pour 25 pays européens estimait qu'en France, près de 42 000 décès par an étaient dus à la pollution de l'air par les particules fines liées aux activités de l'homme. Ah, Ouais, tiens. donc 42 000 tout à l'heure, c'était le diesel, et là, c'est les particules fines, c'est ça? Et voilà, on ne parle plus de 42 000 décès dus au diesel, mais de 42 000 décès dus aux particules fines. Ok, mais c'est. Ouais, enfin, je pense que c'est pas la même chose, c'est ce que tu vas Alors, nous expliquer. qu'est-ce que c'est ces particules fines? Elles viennent d'où? Ben, c'est juste sur la page précédente, du même site du ministère. Et donc, il dit, c'est donc la même source, dit, en France, les émissions primaires de particules fines, c'est-à-dire les très fines, c'est moins de 2 microns, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas ça le problème, disent, donc, les particules fines proviennent à 34% d'une origine domestique, très majoritairement due aux appareils de combustion au bois, les Okay. cheminées, les poêles, etc. À 31% d'une origine industrielle et énergétique. À 21% d'une origine agricole et à 14% du secteur des transports. 14% du secteur des transports. OK. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Parce qu'il faudra aussi envoyer en prison votre voisin écolo et sa chaudière à bois. Bon, avec un peu de bol, c'est le même qui roule en Peugeot diesel. Ah, ça en fera qu'un. Et déjà, les prisons sont surchargées. Mais Ouais, bon. c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'en est-il de nos 1000 à 1500 cancers dus au diesel? L'Institut national du cancer dit sur sa page qui relate la fameuse annonce du CIRC, en France, les particules fines diesel seraient responsables d'environ 1000 à 1500 nouveaux cas de cancer du poumon en 2011 et de 600 à 1100 décès. Ok. Nous y voilà, salaud de diesel. C'est Donc bien ce que... combien? Attends, tu peux juste redonner les chiffres. Bon, on Alors, est parti de 42 000 au début et puis là on en est à... 42 000, ça c'est les décès dus au diesel, selon le Selon... ministère Ouais. de l'écologie, etc. D'accord. Et en France, ça serait 1000 à 1500 cas dus au diesel. Donc D'accord. on ne sait plus très bien. Mais la fiche de référence qui est sur la même page que l'annonce reprise par l'Institut national du cancer dit, alors la fiche de référence s'appelle risque de cancer et particules fines. Alors elle dit, elle, pour l'année 2002, on notera que les dates sont pas très bonnes, pour l'année 2002, selon les estimations retenues, 600 à 1100 cancers, on retrouve les mêmes chiffres, décès par cancer du poumon serait attribuable à l'exposition chronique aux particules fines. D'accord. Une charmante particule fine. Donc, ben, vous voilà rassuré. Si je viens de vous montrer que si vous mourrez d'un cancer du poumon, pas de quoi vous inquiéter. Il y a finalement relativement peu de chances que ce soit dû au diesel. On comprend bien qu'avec une origine domestique majeure, à 34%, qu'il y a une partie des 31% d'origine industrielle et énergétique qui est due aussi à ce qu'on brûle un certain nombre de choses, ça vient quand même peu des transports, en tout cas pas de la voiture, qui représente que 14%, et avec les camions. C'est un peu différent, hein. Ouais, C'est non, c'est complètement fou comme proportion. Parce que bon, j'en parlerai après, mais on focalise sur uniquement le diesel, alors que c'est un vrai problème des particules fines. Pour être exact, les taux que j'ai donnés, 34% et 14%, varient si tu es en ville ou si tu es à la campagne. D'accord. En ville, effectivement, les transports sont plus importants que si on est à la campagne. Donc là, c'est des chiffres pour la France. Ok. Bon, c'est effectivement sourcé dans le document que je t'ai donné, enfin, et que vous pourrez retrouver, je pense, sur le site. Exactement. Donc, plus sérieusement, revenons à l'annonce du CIRC. Que dit-elle? Que suite à une étude robuste de 2011, je reprends un peu les termes qu'ils donnent dans le document qui n'est pas l'annonce, mais qui est le document de plus de fond. Ouais, l'étude derrière, en fait. Pas l'étude, mais il y a une page qui est mise en même temps, D'accord. explique comment ils ont procédé. Donc, suite à une étude robuste de 2011 qui porte sur des travailleurs très exposés au gaz d'échappement des moteurs diesel, les chercheurs ont trouvé une augmentation significative de risque de cancer du poumon. Après avoir croisé et éliminé de multiples causes, les gaz d'échappement diesel apparaissent dans ces conditions, un facteur déterminant de cette pathologie. Tu veux que je t'explique un peu un peu plus en profondeur comment ils ont fait? Si tu as l'information, ouais, volontiers, J'ai l'info, c'est ouais. si t'as du temps, soit. On a un petit peu de temps. Marco nous a rejoint. Entre parenthèses, j'en profite pour lui dire bonjour. Salut Marco. Et bonsoir à tous, désolé du retard. N'y a pas de Et souci. bonsoir Georges. Salut Marco. Salut, je crois que c'est la première fois qu'on se parle en direct, donc enchanté. Bon, ravi. Donc Georges, on t'écoute. Donc, je vais continuer, on reviendra après. Donc, D'accord. cette étude qui a marqué l'annonce du CIRC fait suite à d'autres et permet en toute logique au CIRC de passer les émanations de diesel du groupe A2 au groupe 1, c'est-à-dire de probablement cancérogène à cancérogène pour l'homme. D'accord. Passe d'une catégorie à une autre, une catégorie où on avait déjà beaucoup de doutes, mais on n'avait pas la preuve évidente. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise ni un coup de massue comme on a pu l'entendre. Plusieurs études allaient dans cette direction et la frontière était proche depuis longtemps. Donc, le diesel, enfin ces gaz de combustion, va rejoindre ses 107 petits camarades identifiés du groupe 1, dont le plutonium, le virus de l'hépatite B, mais aussi l'alcool, les benzopyrènes, la pilule, etc., etc. Il y a la pilule en groupe 1. Ah oui. Ouais, c'est fou ça. Alors, je savais qu'il y avait un peu à boire et à manger dans le groupe A2. Eh bien non, puisqu'on a, on a trouvé qu'effectivement, c'est affirmé que la pilule, enfin une certaine forme de pilule, sont cancérigènes. Ok. Suis pas un spécialiste, hein, j'ai repris la liste de ce qu'il y a dans le groupe 1. D'accord. Bon, le plutonium, on savait qu'il fallait éviter, mais... Il y a le chrome, il y a beaucoup de choses, hein, le benzène, on va voir les benzopyrènes. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans, et beaucoup de choses qu'on touche tous les jours. Après, il faut voir comment est-ce que justement il influe et quelle est la quantité, à quelle dose d'exposition on y est soumis, etc., etc. Parce que l'amiante, si tu la respires pas, c'est pas très cancérigène, quoi. Si elle est en bloc compacté et qu'il n'y a pas d'émanation, c'est pas un bloc de plutonium, quoi, hein. Donc, et le CIRC de conclure dans un langage dont seul l'OMS est dépositaire, étant donné l'impact supplémentaire des particules émises par les moteurs diesel sur la santé, l'exposition à ce mélange de produits chimiques devrait être réduite à travers le monde. Non, sans rire, ça rassure. Une vraie directive pleine de bon sens qui ne mange pas de pain pour les gouvernements. Ouais, bon, l'art de se couvrir le derrière, Exactement. c'est pas mal. Et les notifications des agences de l'OMS sont toujours, quand tu les lis, c'est absolument incroyable. Alors, là j'en arrive à la fin. Pourquoi je pense que cette annonce est plutôt une bonne nouvelle? Ouais. Ben, tout d'abord parce qu'elle va très certainement pousser les autorités à mieux protéger les travailleurs les plus exposés. Sinon, ils vont avoir des problèmes avec les syndicats et ça, c'est très bien. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça ne fera pas de mal aux populations moins exposées, c'est-à-dire nous. On aimerait bien qu'on respire un peu moins de particules. Voire même à encourager des études sur la pollution globale due aux particules fines. Qui est le vrai problème, mais là, laissez-moi le droit de rêver. Sur ce, et pour cette petite critique des médias, je vous souhaite de bonnes vacances à tous avec vos voisins autour d'un super barbecue plein de benzopyrène pour un bon apéro bien alcoolisé. Mais là, je doute fort que les médias vous traitent de criminels. Pourtant, là, tu nous as passé en revue une bonne partie de la liste du groupe 1, hein, c'est ça? Oh, bonne partie, non. Juste, il y en a deux, mais c'est vrai que les benzopyrènes dans les barbecues, c'est vraiment très, très mauvais. Et que l'alcool, bon, c'est très mauvais. Tout ça, c'est cancérigène. Donc, et c'est classé au groupe 1. Et donc, on devrait traiter, comme ils ont traité dans les annonces que je vous ai montrées. Et j'en ai fait qu'une toute petite partie, hein, des annonces. Parce que ça a été, ils sont partis dessus, hein, en faisant. Alors, l'erreur fondamentale étant évidemment que c'est pas le diesel, mais les particules fines, dont le diesel fait pas, dont les émanations de la combustion du diesel font partie. Ouais. Et encore, j'imagine que le diesel, finalement, on en est quand même conscient depuis un moment, il y a des filtres à particules sur tous les pots d'échappement des moteurs diesel. Alors bon, je sais pas, je suis absolument pas spécialiste dans le domaine, je sais pas quelle est l'efficacité de ces filtres à particules, mais enfin j'imagine que ça chope quand même une bonne partie de ces particules fines. Cette histoire, c'est que la pollution au diesel se réduit effectivement. Je veux dire, on a fait beaucoup d'efforts et ça se et même la pollution se réduit dans les villes. Par contre, les filtres à particules font qu'ils laissent passer les particules les plus fines. Ah, d'accord. Ils détruisent une partie, mais et presque ils augmenteraient un peu les productions de particules fines, très fines. Et là, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast science sur les particules fines ou particules très fines, inférieures à un micron. Mais pourquoi pas? Voilà, une excellente idée de sujet. Et d'ailleurs, si tu as envie de continuer de creuser un peu, Georges, t'es le bienvenu pour nous le présenter. Peut-être pas deux, mais non. Je vais voir. Si je trouve une idée dessus, je vous le dirai. Non, mais ce qui m'a amusé, ce que je voulais... Je voulais revenir sur cette idée, c'est que effectivement dramatiser le surdramatiser comme le font les médias en général quand tu fais des titres comme rouler au diesel c'est criminel, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ça. Alors, et en plus ce qui pose un problème, c'est que si c'est une association environnementaliste qui dit ça, on peut le comprendre. Mais si c'est des journalistes de grands médias, ça pose un problème d'instrumentalisation de la science à ce moment-là. Ben, c'est clair. Tout ça qui, c'est pas du tout ça qui est dit. Si je me souviens bien, Libération au titre de une classe de super cancérigène, c'est pas super cancérigène, c'est cancérigène, c'est tout. Et ça n'existe pas, la classe de super cancérigène. Ouais. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule plus, beaucoup plus pour les médias que, et cette ambiance de vouloir absolument dramatiser les choses. Bah écoute, ouais, coup de gueule salutaire. En tout cas, moi, je suis vraiment content que tu l'aies fait. C'est ce que j'appellerais la bonne attitude, quoi. Pas tout gober tout cru, mais aller chercher un peu, aller creuser. Et ne pas se laisser avoir comme ça par les annonces sensationnalistes. On aimerait bien avoir le temps de le faire à chaque fois, ou en tout cas déjà avoir le réflexe, quoi, qu'on n'a pas forcément. Là, c'est vraiment génial que tu l'aies fait pour nous. Un immense merci, Georges, sincèrement. C'est aussi de m'avoir laissé, même enrhumé, vous annoncer ce petit billet d'humeur. Un immense merci, et je suis d'accord, c'est vrai que la leçon à tirer, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum d'esprit critique face aux médias, quoi, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça a toujours été comme ça aussi, de tout temps. Mais voilà, il faut analyser quand même l'information et pas la gober comme ça, comme si c'était une vérité absolue, quoi. Les médias se trompent volontairement ou involontairement, des fois. Voilà, après, c'est à nous de vérifier quand même les informations. On a la possibilité en plus. Et sans compter que ça a une influence énorme sur notre vie, parce que si on se concentre sur le cancer, sur les diesels, et si on ne se concentre pas sur les autres émanations, si on regarde les chiffres, alors il faudrait le regarder en profondeur, je vous ai laissé aussi une petite référence, c'est problématique. Oui, c'est vrai que si on prend le vélo pour ne pas rouler en diesel et que derrière on fait des barbecues tous les jours... Ou si on continue à faire des chaudières à bois sans filtre, c'est pas très bon. Oui, puis encore toutes ces choses aussi qu'on ne sait pas encore, et tous ces produits, donc on n'a pas assez de recul pour savoir l'impact qu'ils ont sur notre santé. Et il y a peut-être des produits qu'on consomme tous les jours régulièrement sans se douter du danger, et on apprendra dans 10 ans qu'ils sont super cancérigènes, d'après la presse. Oui, d'après la presse, mais enfin bon. On vit assez bien, hein, et l'augmentation de la qualité de vie est quand même assez marquante, surtout dans les pays industrialisés. Parce que le vrai problème se pose dans les pays, évidemment, en voie de développement. Ouais. Moi, j'étais plus exactement avec vous parce qu'il y a Franck qui a réapparu dans dans le paysage. Je vais l'ajouter de ce pas à à la conversation. Bon, malheureusement, il a loupé le début, donc il va pas pouvoir réagir à ce que tu as dit, Georges. En tout cas, pas à chaud, mais il hésitera certainement pas à le faire après coup, une fois qu'il aura entendu ce que tu as dit. Franck, tu es avec nous? Oui, c'est là, je suis là. Salut Franck, bienvenue. Ouais, désolé, bien, merci à tous. Ok, on venait juste de terminer avec Georges. Il nous a présenté un billet absolument passionnant. Je me réjouis que tu puisses le découvrir. Je suis sûr que tu auras plein de choses à dire. Et puis, qui sait, ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle conversation. Avec plaisir, ouais, je suis impatient d'écouter ça. Parfait. On va enchaîner. Alors, Marco. Oui, je suis là. C'est Bon, magnifique. Qu'est-ce que tu nous as mijoté cette semaine? ça a été dur. Hein. cette semaine, je vais essayer de parler un peu des satellites. Alors, je suis désolé parce que la journée s'est pas du tout passée comme prévu. Et donc, j'ai pas eu ma petite heure que je voulais pour vraiment finaliser quelques petites retouches. Donc voilà. Bah, t'es un perfectionniste. Je suis sûr que ça va être très bien. Dis-le tout. J'espère. Bien, bon, on va commencer directement par une petite question, mais je suis sûr que vous aurez la réponse. Connaissez-vous le nom du premier satellite à avoir été envoyé en orbite? Spoutnik. Ouais, très bien, Franck, c'est ça. C'était Spoutnik 1, donc c'était le 4 octobre 1957. Et ce fut un gros choc pour les États-Unis parce que l'URSS lançait alors la course à l'espace en mettant en orbite le premier satellite artificiel. Alors, il s'agissait d'une sphère qui faisait à peu près 58 cm de diamètre, qui pesait quand même 83 kilos. Elle fut placée sur une orbite elliptique à une altitude qui était comprise entre 225 km et 947 km et qui faisait le tour de la Terre environ 98 minutes. Donc, on verra peut-être un peu plus tard exactement ce qu'est une orbite elliptique et pourquoi l'altitude est comprise entre ces deux valeurs que je viens de donner. Donc, quelle était la fonction de Sputnik 1? Mais tout simplement, c'était d'émettre un bip sur les fréquences radio de 20 à 40 MHz. Alors, je sais pas, Alan, si on n'en a pas reparlé, je sais pas si tu as le son de Sputnik en réserve. Bien sûr, on va écouter Ah, Sputnik. On ne génial, sait pas. écoutons Sputnik. Voilà, c'était Spoutnik. Voilà. C'est émouvant quand même, un son qui a plus de 50 ans. C'est vrai. Voilà, donc en fait, l'étude des signaux, enfin de ces signaux, en fait, devait permettre d'étudier la propagation des ondes dans l'atmosphère. Et puis l'étude de sa trajectoire devait fournir des informations sur la densité de la haute atmosphère et sur la forme exacte de la Terre. Donc les appareils électriques du satellite ont fonctionné pendant 22 jours après le lancement, jusqu'à que les batteries soient complètement déchargées. Le 26 octobre 1957, elles ont été complètement déchargées. Ensuite, sa trajectoire a été surveillée et le 4 janvier 1958, Spoutnik est rentré dans l'atmosphère et puis s'est consumé. Donc, il avait fait alors 1400 fois le tour de la Terre, quand même. Entre-temps, les Soviétiques avaient déjà envoyé Spoutnik 2 dans l'espace, un mois seulement après Spoutnik 1. C'est Nikita Khrouchtchev, qui était à l'époque le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, et qui avait exigé le lancement d'un second satellite en guise de célébration des 40 ans de la révolution russe. Donc, le satellite a été construit en seulement 4 semaines dans l'urgence, mais il avait une autre particularité, puisque à son bord se trouvait un être vivant, et c'était le premier être vivant à être envoyé en orbite. Alors, ce n'était pas un homme, c'était la fameuse chienne Laïka. Donc, malheureusement, comme beaucoup doivent le savoir, ça s'est quand même mal terminé pour cette chienne, puisqu'elle est morte 7 heures après le lancement. Alors, elle serait morte de stress et de surchauffe à cause d'une défaillance du système de régulation de température, mais elle prouva quand même qu'un être vivant pouvait survivre en apesanteur. Et tout juste un mois après la destruction de Sputnik 1, les États-Unis lançaient leur premier satellite, Explorer 1. C'était en février 1958. Le 12 avril 1961, donc 3 ans plus tard, les Soviétiques envoient le premier homme dans l'espace. Et le premier homme est Yuri Gagarin. Voilà, Yuri Gagarin. Alors, pas c'est Gagarin. Moi qui l'ai en premier. Hein. Très bien, 2 points ouais. pour toi. Yes. Voilà, donc c'était lors de la mission Vostok 1. Et puis la France, elle lancera Astérix, son premier satellite. C'était en fin novembre 1965, donc presque 8 ans après Sputnik 1. Mais Astérix existait déjà ? Oui. Ah non ? Ah bah ouais, si, t'as raison. Mais non ? Goscinny, enfin bon, bref, question annexe. Ouais, on en reparlera. Donc depuis, ce sont plus de 6000 satellites en fait qui ont été mis en orbite. Et pour la Suisse, alors, le premier satellite pour la Suisse, puisque je pense qu'il y a des amis suisses qui nous écoutent aussi. Donc le premier satellite suisse a été lancé en 2009, donc c'est tout récent. Alors, c'est le premier satellite 100% suisse, hein, parce que la Suisse a quand même participé à des projets. Mais là, c'était vraiment le premier satellite 100% suisse. Donc, c'est SwissCube, il s'appelait SwissCube. C'était un tout petit satellite de 800 grammes. Mm-hmm. Alors, c'est toujours un petit satellite de 800 grammes, qui est muni d'un petit télescope. Il est l'œuvre d'un groupe d'étudiants qui viennent de différentes universités suisses, dont l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Mm-hmm. Hein, donc Lausanne, ta ville quand même, Alan, j'espère ouais, que t'es fier. T'as participé Alan peut-être ? Comme un coq, alors pas du tout non. Mais on avait une vague idée qui traînait comme ça de contacter cette équipe, c'était une suggestion que nous avait faite Xavier Durussel. Et je sais plus ce que j'ai fait, mais je l'ai pas fait. J'ai un petit peu honte en réalité, vous me demandez si je suis fier, là je suis dans mes petits souliers. On aurait pu en parler sur Podcast Science. Et puis, pour être complet sur les satellites suisses en orbite, sachez qu'il y en a un deuxième qui a été lancé en fait en juillet 2010, encore par un groupe d'étudiants d'université en Suisse italienne, université qui s'appelle SUPSI. Et cette fois-ci, il était un peu plus gros, puisque le premier, donc je vous disais qu'il faisait 800 grammes, celui-là fait 994 grammes. Donc presque le kilo quand même. Okay. Un beau donc, bébé, c'est vrai que c'est un petit bébé. Petit bébé, c'est vrai que c'est rien aux tonnes de certains satellites. Donc, on va faire un peu de physique maintenant, puisqu'on va parler de la trajectoire et des satellites. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le lancement des satellites par les navettes, déjà pour ne pas faire un dossier trop long, et puis parce que je n'ai pas trop eu le temps du coup de rajouter quelques lignes. Alors, on va se placer directement en orbite. Et qu'est-ce qu'une orbite ? Donc, en première définition, il s'agit de la trajectoire que suit un astre ou un satellite artificiel, pour notre cas, lorsqu'il est en mouvement autour d'un objet céleste de plus grande masse que lui. Donc, forcément, un objet céleste qui est de plus grande masse que lui. Alors, cette trajectoire ne se fait pas de façon aléatoire, mais elle résulte des lois de la gravitation. Alors, en guise de bref rappel ou d'information pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette partie de la physique, rappelons que Newton avait stipulé que les corps s'attirent grâce à une force, la force gravitationnelle, qui est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est-à-dire c'est une force qui suit une loi en carré inverse. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est qu'une loi en carré inverse ? Alors, le premier de classe, là, il appuie sur le buzzer. Non, Franck. Il c'est pas là, le premier de la classe. T'entends plus, Franck, là. Ok, je vais prendre la relève. Mais bon, c'est triché, je me suis un petit peu préparé. En gros, ce que dit la gravitation newtonienne, c'est que chaque objet dans l'univers attire les autres. Donc, l'air de rien, comme ça, Marco, quand t'es assis à parler, tu attires à toi le plafond, la table, les rideaux, à l'aide de ton tout petit champ gravitationnel personnel. Et tous ces objets t'attirent eux aussi. En fait, tout s'attire. Et c'est là que ça devient intéressant. Les règles qui régissent cette attraction tiennent en une simple équation mathématique qui dit en gros que l'attraction est proportionnelle à la masse de chaque objet. Donc ça veut dire que plus l'objet est gros et plus il attire ce qui est autour de lui, est en même temps inversement proportionnel au carré de la distance entre les objets. Donc en bon français, ça veut dire que si on double la distance entre deux objets, on divise par 4 l'attraction entre eux. C'est aussi simple que ça. Enfin, ça a l'air très simple comme ça. C'est okay. Ça. Ouais. Moi, j'ai compris. Okay. C'est ça, voilà, c'est ça. Quand la distance double, en fait, la surface sur laquelle se répartit le flux est lui multiplié par 4, puisqu'on multiplie par 2, on va dire, la longueur, enfin, les deux longueurs, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, l'influence du champ est divisée par 4. Voilà. Donc effectivement, comme tu disais, ben on a tous, on crée tous un champ gravitationnel. Alors pour nous, c'est très petit, très faible, on le ressent pas, hein, puisque bon, devant la constante gravitationnelle qui est quand même en 10 puissance moins 11, notre masse fait quand même pas le figure. Mais il existe pourtant ce champ, grâce à notre masse. Mais la force qui résulte de la masse de la Terre est bien plus importante, puisque la masse de la Terre est beaucoup plus grande que la nôtre, forcément. Et elle est tellement plus importante que nos muscles se fatiguent tous les jours à le vaincre pour nous maintenir debout et qui nous ramène au sol lorsqu'on saute. On pourrait alors se demander pourquoi les satellites ne retombent pas vers la Terre eux aussi, puisqu'ils sont également soumis au champ de gravité terrestre. Attends, j'ai une petite coupure. Qu'est-ce qu'on peut se demander? On pourrait se demander pourquoi les satellites ne font pas comme nous, pourquoi ils ne retombent pas sur Terre. Nous, quand on saute, on retombe immédiatement sur Terre, attirés par le champ de gravitation de la Terre. Pourquoi les satellites, eux, ne sont pas attirés, pourquoi ils ne retombent pas sur Terre? Parce qu'ils sont trop loin. Non, C'est pas... parce qu'ils avancent trop Bon, vite. j'ai essayé, d'accord. Voilà, la réponse d'Alan est déjà proche de la réalité. En fait, les satellites, ils tombent sur Terre. Ils tombent sans arrêt, ils tombent en permanence vers la Terre. Et pour mieux comprendre, on va prendre l'expérience de pensée du canon de Newton. Voilà, c'est son nom, il s'appelle comme ça. Donc on imagine un canon qui tire des boulets. Et puis on va négliger les forces de frottement qui sont dues à l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'une fois lancés, les boulets conservent leur vitesse initiale. Donc si on augmente progressivement la vitesse d'impulsion que l'on donne au départ de chaque boulet, celui-ci va retomber de plus en plus loin. Jusque-là, vous me suivez, d'accord. Et à partir d'une certaine vitesse, l'objet chute, mais sans jamais atteindre le sol du fait de la courbure de la Terre. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant, l'élévation d'altitude due à la courbure de la Terre est compensée par la perte d'altitude due au champ gravitationnel terrestre. Je ne sais pas si c'est clair comme ça aussi. Écoute, pour moi, c'est très clair parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps dans Radiolab et ça m'a complètement fasciné. Je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Mais c'est vrai que si tu tiens une balle de pistolet dans la main et que tu la lâches par terre, elle va tomber à une certaine vitesse. En fait, la balle que tu tires avec ce pistolet à l'horizontale, elle va tomber exactement à la même vitesse, sauf qu'elle avance en même temps. Et puis, passé une certaine vitesse, bah, elle arrive à ne plus tomber. En fait, elle tombe, mais comme tu viens de le dire, c'est compensé par la courbure de la Terre. Voilà, elle tombe toujours, mais elle, comme la Terre est ronde, voilà, elle tombe en permanence à cause de la courbure. Et donc, quand on arrive dans ce cas-là, on dit que l'objet est satellisé, et puisqu'il chute en permanence vers la Terre, voilà, sans jamais s'en approcher. Donc, à chaque altitude, en fait, correspond une vitesse, dite vitesse de satellisation, qui est la vitesse minimale que doit posséder un satellite pour rester en orbite à cette altitude autour d'un astre. Cette vitesse, donc, elle dépend de la distance par rapport au centre de l'astre et de la masse de l'astre. Donc, la formule, là, je vous la donne, la formule théorique, c'est que la vitesse est égale à la racine carrée de g, la constante gravitationnelle, fois la masse divisée par la distance. Et ça nous donne la vitesse théorique de satellisation. Donc, par exemple, pour la Terre, la première orbite qui est théoriquement utilisable se trouve à 200 km d'altitude. Parce qu'à cette altitude, nous sommes au-dessus de l'atmosphère et les satellites en orbite ne subissent alors plus de la force de frottement qui les rend tirés. Et à cette altitude, la vitesse de satellisation vaut environ 7,8 km par seconde. Donc, c'est une vitesse qu'on appelle d'ailleurs souvent la première vitesse cosmique. C'est la vitesse que doit avoir le satellite pour pouvoir rester en orbite à cette altitude. Si le satellite est lâché sur une orbite donnée, avec une vitesse inférieure à la vitesse de satellisation, l'objet va alors tomber. Il va retomber sur Terre. Donc plus ou moins rapidement, suivant la vitesse qu'il a réellement. Dans le cas d'une vitesse égale à la vitesse de satellisation, la trajectoire va décrire un cercle. Et si la vitesse est plus élevée, l'objet va alors décrire une ellipse. C'est-à-dire qu'en fait, sa distance par rapport à l'astre ne va pas rester constante et va varier entre un minimum qu'on appelle le périigée et un maximum qu'on appelle l'apogée. Enfin, on les appelle périigée et apogée quand l'astre autour duquel tourne le satellite est la Terre. D'accord. Voilà. Et donc, plus la vitesse tangentielle, en fait, la vitesse, c'est surtout la vitesse tangentielle dont on parle depuis le début, la vitesse par rapport à la trajectoire, plus elle sera élevée, plus Donc l'apogée. la La tangente, c'est la droite qui coupe le cercle. C'est la droite qui coupe le cercle perpendiculairement en rayon, c'est ça? Coupe le cercle perpendiculairement au rayon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et qui est donc tangente au cercle en même temps. D'accord. Donc elle ne coupe pas. Ouais, elle coupe la droite en fait. Elle coupe pas le cercle, voilà. Mais elle coupe la... Oui, d'accord. Donc plus la vitesse tangentielle en fait va être élevée, plus l'apogée se situera loin. Et donc vous vous doutez bien qu'il va exister une vitesse à partir de laquelle l'apogée va se trouver si loin que le corps en orbite va se retrouver alors arraché de l'attraction gravitationnelle de l'astre. Et cette vitesse, on l'appelle vitesse de libération. Et pour l'orbite que je vous donnais, la première orbite à 200 km d'altitude, elle est de 11 km par seconde. C'est-à-dire que si on lance un satellite avec 11 km par seconde, à 11 km par seconde, il va s'arracher de l'attraction terrestre. Et il partira au fin fond de l'espace. Donc, une fois en orbite, la trajectoire du satellite va alors dépendre des trois lois de Kepler. Ce sont en fait des lois que Johannes Kepler a établies en 1609 suite aux analyses des observations astronomiques qu'avait fait Tycho Brahe quelques années auparavant. Tout d'abord, il en a déduit une première loi qu'on appelle la loi des orbites et qui dit que l'orbite d'un satellite a la forme d'une ellipse dont un des deux foyers se trouve au centre du corps céleste autour duquel il gravite. Donc dit autrement et dans le contexte du système solaire, cela donne simplement que les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. D'accord. Voilà. Donc précisons quand même qu'une orbite circulaire est un cas particulier de l'ellipse hein, où les deux foyers, cette fois-ci, sont confondus au centre du cercle. La deuxième loi, c'est la loi des airs. Et elle nous dit donc que la droite qui relie le centre de l'astre au satellite balaie toujours une aire égale dans un intervalle de temps donné. Donc si on applique ça au système solaire et à nos planètes, le rayon soleil-planète, ou soleil-terre par exemple, balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc la conséquence, c'est qu'en parcourant son ellipse, plus le satellite va être loin de l'astre, plus lente sera sa vitesse, puisque le segment en fait, qui relie l'astre au satellite va balayer une plus grande surface en même temps, vu que ce segment est plus grand, plus long, donc il devra le faire plus lentement. Oui, on peut résumer par plus c'est loin, plus c'est long, quoi. Plus c'est lent. Quoi. C'est ça, voilà, exactement. Okay. Ouais, d'accord. Donc, par exemple, pour la Terre, son périhélie, tout à l'heure, je disais le périgée, parce que le centre était la Terre. Pour la Terre autour du Soleil, on dit le périhélie. D'accord, donc G comme géologie, c'est la Terre, et puis hélie comme Hélios, le Soleil. Héliotrope, héliocentrique, c'est le Soleil. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc okay. le périhélie, c'est donc le point de l'ellipse où la Terre est le plus proche du Soleil. Et elle est atteinte entre le 3 et 5 janvier, généralement. Donc cette année, ce fut le 5 janvier à minuit. À cette date, en fait, la Terre est à 0,983 unités astronomiques. Donc, je donne la distance en unités astronomiques puisque c'est un peu une distance de référence. La unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Ouais. Voilà. Donc, au plus proche, elle est à 0,983 unités D'accord. astronomiques. Et la vitesse, à ce moment-là, elle est de 30,4 km/s. Et le 5 juillet 2012, à 3h, donc dans très bientôt, elle sera à son aphélie. Et la distance sera alors de 1,017 unités astronomiques et la vitesse de 29,4 km/s. Donc il n'y a pas une énorme différence hein, entre les deux quand même, mais elle existe. Donc la Terre ne décrit pas autour du Soleil une trajectoire circulaire parfaite, hein, mais bien une ellipse. Enfin, la troisième loi, qu'on appelle aussi la loi des périodes. Alors, cette loi, elle est un peu plus mathématique. Elle stipule que la période de rotation du satellite autour du corps varie comme le cube de la longueur du grand axe de l'ellipse. Donc, si on dit que T est la période et A le grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire en fait la plus grande distance entre l'astre et le satellite, Alors, on a t carré, t au carré, qui est proportionnel à a au cube. Et a, c'était quoi déjà? A, c'est le, en fait le grand axe de l'ellipse. Ah d'accord, oui. Ok. Voilà. T'as mis un schéma ou quelque chose dans le dossier? Donc oui, dans le dossier, il y a des schémas. Alors pour celui-là, je ne sais plus si celui-là, il y avait un schéma, je ne sais plus. Moi, je le mettrai au cas où. Donc en fait, ça veut dire que si on connaît la période d'un satellite, eh bien, on peut en déduire la distance à l'astre et inversement. Donc à partir de ces lois, de ces lois de Kepler, on arrive en fait à déterminer la trajectoire et donc la période orbitale, la vitesse orbitale d'un satellite. Voilà. Donc, si on fait le calcul, par exemple, pour une orbite géostationnaire, on va en parler plus tard de l'orbite géostationnaire, la vitesse est de 3 km/s. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de physique, on va parler un peu des différentes catégories. À moins que quelqu'un ait une question, non ? Ouais, moi j'avais une question. Pourquoi est-ce que quand on est en apesanteur, quand on voit les astronautes en apesanteur, on voit pas les objets, on les voit pas attirer les objets. On les voit pas attirer quand on est en apesanteur. Ouais, quand tu vois les astronautes en apesanteur, ouais. Tu vois, ils tiennent un objet, l'objet est pas attiré par eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ben non, ils le tiennent parce qu'ils tiennent. Mais s'ils lâchaient, ils partiraient. Tu verrais qu'ils s'éloigneraient très vite de l'objet. Hein. Et pourquoi l'objet est pas attiré par eux ? Parce qu'ils sont plus lourds. Ah, il faudrait qu'ils soient beaucoup beaucoup plus lourds pour qu'on puisse observer l'effet, non ? Oui, la masse est trop faible. Parce que la distance aussi est très faible, donc ça compenserait un peu. Enfin non, bah, d'accord, c'est parce que la masse est trop faible, ok. Oui, parce que comme j'ai dit au début, si tu veux, la constante gravitationnelle, elle est de l'ordre de 10-11. La distance, même si tu divises par une toute petite distance, tu multiplies par une masse qui va être par exemple de 70 kilos. Ouais, c'est trop petit. Ouais. Tu vas rester en quelque chose en 10-10, quoi. Voilà, ouais, d'accord. C'est insignifiant, quoi. Ok, d'accord. Voilà, c'était la question philosophique. Bien, si t'en as d'autres idées comme ça, n'hésite pas. Hein. Ok. Donc, on va parler des différentes catégories de satellites. Hein. Donc la mise en orbite d'un satellite prend des avantages suivant le domaine d'application. Donc il y a bien sûr des satellites de télécommunication. Ce sont des satellites utilisés uniquement pour transmettre des informations d'un point à un autre de la Terre, alors que ce soit des communications téléphoniques ou des transmissions de données, ce que permettent de faire des réseaux téléphoniques par satellite comme Globalstar, Iridium ou Turaya. Ou encore ils peuvent transmettre aussi des programmes télévisés. Donc ces derniers transitent principalement par la flotte d'Intelsat, donc c'est quand même une flotte de 51 satellites, Eutelsat, avec les satellites les plus connus qui sont Hotbird, Atlantic Bird, et puis il y a aussi la flotte de la SES, ou la Société Européenne des Satellites, avec les fameux Astra 1 et Astra 2, que je pense que vous devez connaître. Les satellites Astra, ouais. Enfin, oui. On ne les connaît pas personnellement, mais c'est... Oh non, ouais. Ils sont, je pense que c'est les plus connus chez les amateurs de télévision par satellite. Donc ce sont en fait des satellites qui émettent des bouquets de chaînes payantes, hein, c'est ce qu'on reçoit sur nos paraboles. Ils sont situés donc à une orbite particulière, qu'on appelle l'orbite géostationnaire, dont on parlait tout à l'heure. Elle est à environ à 36 000 km d'altitude, et comme son nom l'indique, c'est une orbite où le satellite reste toujours au même endroit par rapport à la Terre. D'accord. Voilà, donc on comprend en fait que pour éviter d'avoir à régler en permanence nos antennes paraboliques, cette orbite a quand même un intérêt non négligeable pour les satellites de communication. Elle est à 36 000 km de la Terre ? À peu près, c'est un peu moins, c'est 35 000, okay. 700 ou je sais plus, des brouettes. Quoi. Mais c'est super loin ça, non ? C'est pas spécialement loin ? C'est super loin, ça dépend, c'est après c'est relatif. Il y a des satellites qui sont plus loin encore ? Je pense pas, j'ai justement voulu chercher, mais je pense pas. Je vois pas l'intérêt en fait. Il y a peut-être un intérêt que je vois pas là, comme ça directement, mais je pense que il y a pas d'intérêt à envoyer plus loin que ça. À 36 000 km, le satellite tourne en même temps que la Terre, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à ce qu'un satellite fasse un tour de la Terre quand la Terre a déjà tourné deux fois sur elle-même, quoi. Je vois pas d'intérêt particulier comme ça qui mènera à l'esprit. Donc je pense que la plupart des satellites, en tout cas, sont à moins de 36 000 km. Voilà, la majorité. Je pense qu'il n'y en a pas au-delà, mais je ne peux pas te garantir. D'accord. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi des satellites de télédétection. Alors, ces satellites d'observation scrutent la Terre dans un but scientifique. Donc, pour évaluer la température de la mer, par exemple, l'évolution du manteau neigeux, le suivi des aérosols en suspension dans l'atmosphère. Ça peut être aussi pour des raisons économiques, donc pour. J'ai entendu parler. Ah non, j'ai cru entendre, excusez-moi, j'ai cru entendre parler, en fait, je me suis entendu en retour. Excusez-moi, donc je continue. Donc, pour des raisons économiques, pour évaluer par exemple, des ressources naturelles ou des terrains agricoles, ou éventuellement pour des raisons militaires dans le cas des satellites espions. Alors, comme exemple, on trouve la famille des satellites de Météosat qui fournissent des données pour observer les phénomènes atmosphériques et nous permettent de faire des prévisions météorologiques. Alors, en général, les satellites de télédétection ont une orbite héliosynchrone. Alors, ce sont des orbites en fait qui se font dans le plan polaire. Alors, dans le plan polaire, c'est-à-dire du pôle nord au pôle sud et puis du pôle sud au pôle nord, hein, d'accord? Et dont l'altitude qui est généralement compris entre 600 et 1000 km, donc c'est des orbites basses. Donc, l'altitude et l'inclinaison sont choisies de façon à ce que l'angle entre le plan de l'orbite et la direction du soleil reste à peu près constant. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ouais. Voilà. Ouais, je vois. Donc, J'avais. l'intérêt en fait d'une telle orbite, c'est que le satellite repasse au-dessus du même point de surface à la même heure et donc avec le même éclairement que la veille, quoi, pour la zone observée. Donc c'est pratique pour des satellites qui effectuent des photographies en lumière visible pour observer des variations, donc comme le fait la flotte de satellites Spot, qui photographie en fait la planète depuis plus de 20 ans, ou encore le tout nouveau Pléiade 1, le satellite Pléiade, dont Nico aurait pu nous parler ce soir, puisqu'il le connaît bien, mais malheureusement il n'est pas là. Par contre, des satellites comme Métosat, eux, se situent plutôt sur une orbite géosynchrone, afin d'observer toujours une même zone, quoi. Donc, suivant l'objectif du satellite, c'est soit des orbites géosynchrones ou héliosynchrones. Ok, Donc, d'accord. Il y a bien sûr aussi les satellites de positionnement. Donc, ceux-là, on en a entendu plus ou moins parler. Ce sont les satellites qui permettent de connaître la position d'objets à la surface de la Terre, dans l'atmosphère, mais également dans l'espace. Ce sont par exemple les satellites utilisés pour nos systèmes GPS. Alors, ce qu'on utilise, nous, notre système GPS, il s'agit d'une flotte de 30 satellites Navstar qui évoluent sur 6 plans orbitaux qui ont une inclinaison de 55 degrés par rapport à l'équateur et qui se situent environ à 20 000 km d'altitude. Donc, sur cette orbite, ils font le tour de la Terre en 11 h 58 minutes et 2 secondes, c'est-à-dire en fait un demi-jour sidéral. Et donc, après un jour sidéral entier, le satellite revient toujours au même endroit, vu du sol. Pour préciser ce que c'est un jour sidéral, c'est en fait le temps que met la Terre pour faire un tour complet, sans tenir compte de sa rotation autour du Soleil. D'accord. Or, Mais ça fait pas tout à fait 24 heures alors. voilà, c'est pas tout à fait 24 heures, c'est 23 heures, comme ça, 56 minutes et 4 secondes. D'accord, donc on paume quelques minutes ou on prend plutôt quelques minutes d'avance tous les jours. Ça dépend. Il y a un truc Ben qui ça, m'échappe. ça, ben jusqu'à l'été, jusqu'au 21 juin, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui que ça change, il me semble. Non, je suis plus sûr. Ouais, le solstice, c'était hier soir à 23 h. Ouais, voilà, donc jusqu'à hier soir 23 h, on gagnait du temps, et à D'accord. partir d'aujourd'hui, on va perdre du temps, voilà, si je dis Ah, pas de ok, d'accord. Et puis ça se compense alors. Voilà, donc D'accord. c'est ce que quand tu regardes la météo, ouais, souvent ils te disent, vous voyez, demain nous perdons 3 minutes ou 4 minutes. Voilà. Ouais, mais ça c'est autre chose. Enfin, je veux pas entrer dans le débat, mais ça c'est l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil qui nous fait perdre plus ou moins 2 minutes de lumière ou au contraire en gagner selon l'hémisphère dans lequel on se trouve, non? C'est un autre problème. Là, je sais pas, on n'est peut-être pas d'accord sur le truc. Moi, je sais pas, nous, je pourrais pas te. Ok. Non, moi, je pense que c'est, moi, je pense que c'est dû. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la Terre, en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne en même temps autour du Soleil, ce qui fait que elle ne revient pas tout à fait. Si tu veux, pour que le Soleil revienne au même point, il se passe pas 24 heures en fait, mais un peu moins, quoi. À cause du fait que la Terre tourne, avance en même temps, tu vois, autour du Soleil. D'accord. Bon, Le alors là, Soleil. t'as éveillé ma curiosité. Je vais creuser le sujet. Ça m'intrigue énormément. C'est Alan qui a raison. Ah, c'est Alain qui a raison. Ah, autant pour moi alors. Sûr. Parce que ça tourne autour de la Terre, mais c'est effectivement en fonction de l'inclinaison que tu perds ou pas du jour, quoi. Allez, minute d'ensoleillement, Oui, tu dis. Ouais. mais alors dans ces cas-là, Voilà. c'est quoi le jour sidéral? Bah, le jour sidéral, justement, c'est ce que bah, moi c'est ce que j'expliquais, c'est que c'est le temps que fait la Terre pour faire un tour complet en fait, sur elle-même, mais sans qu'on tienne compte du fait qu'elle a tourné en même temps autour du Soleil. Donc en fait, c'est comme si on la considérait fixe. Non, mais il ne faut D'accord. pas confondre le jour, le nombre d'heures d'ensoleillement et le jour en 24 heures. En 24 heures, comme la Terre tourne et qu'elle tourne autour du Soleil, tu ne reviens pas au même point. C'est Oui, ça, c'est un ça. petit décalage à chaque fois. Et comme en plus, elle pivote sur son axe, eh ben, là, tu perds ou tu gagnes. Mais ça n'a rien à voir avec le jour. C'est la position, le temps Oui. sidéral, c'est la position de la Terre par rapport aux étoiles. Enfin, oui, aux étoiles, on va dire ça. C'est-à-dire que Où tu n'es en plus dans un 24 heures système pile. héliocentrique. Ouais, c'est ça par rapport aux étoiles, puisque les étoiles sont fixes en fait, donc c'est comme si on négligeait, enfin, comme si la Terre était, on va dire, fixe, qu'elle ne tournait pas autour du Soleil, mais Exactement. qu'elle tournait uniquement sur elle-même. Voilà. Donc ça, cette période-là, elle ne le fait pas en 24 heures, mais en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. D'accord, Ok. ok. Voilà. Donc on continue, on était au GPS. Alors pour donner une petite explication basique du fonctionnement du GPS, sachez que nos récepteurs GPS reçoivent en fait les informations transmises par les satellites. Alors ces informations contiennent des données qui permettent de connaître la position du satellite et la distance avec celui-ci. Alors en théorie, il suffirait de 4 satellites pour qu'un récepteur soit en mesure de calculer sa propre position. Mais dans la pratique, pour obtenir une précision correcte, ce sont généralement entre 6 et 12 satellites que reçoivent les récepteurs GPS. Ah ouais, ok. Quand on râle parce que la petite pastille verte s'allume pas sur son téléphone portable, en réalité, il y a toute une technologie derrière. Il faut entre. Combien t'as dit? 6 Entre et. 6 et 12 en moyenne, Waouh. c'est ce que reçoit un récepteur GPS. Voilà, Ok. en théorie, il en faudrait seulement 4, mais ça, c'est de la théorie. Je sais pas si vous voyez pourquoi, hein, parce que avec un seul satellite, on aurait en fait toute une sphère de possibilités. D'accord? Avec deux, on n'aurait plus que 4 points. Avec trois, on n'a plus que 2 points. Et avec quatre, donc on n'a plus qu'un point qui est possible. Voilà, à chaque fois, les sphères se coupent, quoi, se recoupent. Mais bon, en pratique, c'est pas suffisant pour avoir une précision correcte. Donc, il en faut un peu plus. Donc, à partir des informations reçues, ensuite, il y a des algorithmes qui vont permettre de calculer la position du récepteur, et puis les trajets aussi vers une destination, hein, puisque c'est ce qui est important dans le GPS surtout. Il y a par exemple l'algorithme de Dijkstra, dont Nico vous parlerait beaucoup mieux que moi, et qui est celui qui est généralement utilisé pour calculer le plus court chemin vers une destination. Ok. Enfin, il y a bien sûr les satellites scientifiques, donc ils sont destinés à des études scientifiques dans différents domaines. Donc ça peut être la géodésie, qui est la science qui mesure et représente la surface terrestre, ou encore la géodynamique qui étudie la tectonique des plaques. Et puis il y a bien sûr les satellites d'astronomie, qui sont en fait des télescopes en orbite, et qui étudient notre système solaire, ou l'espace lointain. Le plus connu d'entre eux, est peut-être le télescope Hubble, qui a été lancé en 1990 et qui a rapporté de très belles observations. Hubble a notamment confirmé que la plupart des galaxies, au moins, contiennent un trou noir en leur centre. Il a également photographié des régions très lointaines et donc très petites dans notre ciel, qu'on appelle le champ profond de Hubble et qui contiennent près de 1500 galaxies. Il y a également aussi, bien sûr, le satellite européen Planck, qui traque des informations concernant les origines de l'univers, comme le bruit de fond cosmologique, c'est-à-dire en fait le rayonnement fossile de la toute première lumière de l'univers qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Et puis enfin, comment passer. Comment? Une paille. Oui. 380 000 ans après le Big Bang, c'est une paille. Ouais, bricole. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et puis, comment pas citer les stations spatiales qui sont habitées par l'homme tout au long de leur durée de fonctionnement. Donc aujourd'hui, on connaît la Station Spatiale Internationale, dont la construction en fait, a débuté en 1998 et qui est occupée en permanence depuis 2002. Par le passé, les Américains possédaient également la station Skylab, qui a été lancée en 1973 et qui est désintégrée en 1979 en rentrant dans l'atmosphère. Côté russe, il y a eu d'abord la station Salyut. Il y en a eu 7 qui ont été envoyées entre 1971 et 1991, et 6 par contre qui ont été réellement occupées. Et puis il y a la fameuse station Mir, chère à notre Paco Rabanne national, qui est en orbite en fait, qui a été en orbite de 1986 à mars 2001. Donc voilà pour les différents types de satellites qu'on peut trouver autour de notre planète. Mais il y a une chose à laquelle on pense moins, c'est au devenir de tous ces engins qu'on envoie dans l'espace. Car si beaucoup de matière retombe sur Terre ou se désintègre dans l'atmosphère, ou éventuellement aussi sont envoyés vers des orbites qu'on appelle des orbites poubelles ou des orbites de rebut, il y a quand même une grosse partie qui reste sur les orbites usuelles. Et il y a un nombre tellement important que les orbites terrestres commencent à ressembler en fait à des véritables décharges orbitales. Alors la NASA a estimé qu'il y aurait plus de 22 000 objets ou fragments de plus de 10 cm, mais plusieurs millions si on compte en fait les fragments plus petits. Ces objets sont des satellites, ça peut être des satellites à l'abandon, des fragments de satellites ou encore des morceaux provenant d'explosions d'engins spatiaux. Et dans ce cas, c'est vraiment plusieurs milliers de débris qui sont éparpillés, hein. Vous imaginez, pour une explosion. Donc ces objets représentent bien sûr un danger. Et quand ce n'est pas le danger qui retombe sur Terre, le plus gros danger, ce sont les risques de collision avec les satellites en activité ou avec les fusées qui couperaient leur trajectoire, voire entre débris entre eux, ce qui engendrerait de nouveaux débris et donc accroît encore plus les risques. Ces objets peuvent quand même aller à des vitesses de 30 km par heure, quoi. Donc même tout petit, même tout objet, un tout petit objet de la taille d'une balle à 30 km heure, ça vous perce. C'est pas des kilomètres par seconde plutôt? Non. 30 non là, heures. C'est 30. Oui, d'accord. J'ai bien dit 30 000 km heure. Hein. À 30 000, d'accord, ok. J'avais pas dit ça. Je sais pas, j'avais entendu 30, mais c'est 30. Non, 000. C'est 30 000 km par heure. Ok. Voilà. Donc ce danger existe bien puisqu'en octobre 2008, une opération de rehaussement de l'orbite de la station internationale avait d'ailleurs été reportée de quelques jours à cause d'un nuage de débris qui se trouvait sur la nouvelle orbite et que la station aurait pu croiser. Donc les probabilités de collision sont encore très faibles, mais c'est arrivé en février 2009. Cette fois-ci, c'est le satellite d'une société américaine, Iridium 33, qui est quand même un beau bébé de 560 kg, qui est entré en collision à une altitude de 790 km avec un satellite russe qui était hors service et qui s'appelait Cosmos 2251, qui lui faisait quand même un bon 900 kg. Donc ils se sont heurtés, ils sont entrés en collision. Vous imaginez une masse de 560 kg qui percute à 30 000 km/h une masse de 900 kg. Voilà, bah, ça fait un accident. Les masses, c'est à peu près comme des voitures, sauf que les voitures, elles vont à 100 km/h, quoi. Ouais, voilà. Vous imaginez deux voitures à 100 km/h qui se percutent de front. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus vite, quoi. Je vous laisse imaginer à 30 000 km/h. Donc ça a engendré évidemment plusieurs milliers de débris qui sont éparpillés sur les orbites voisines. Et on connaît la probabilité que ça arrive, ce genre d'événement? Parce que là, c'est arrivé deux fois, mais est-ce que c'est plutôt pas cher payé ou ça pourrait arriver beaucoup plus souvent? Je sais pas si elle est évaluable. Je pense que certains ont dû essayer de la calculer, peut-être. Mais je pourrais pas te dire, non. Franchement, d'accord. Elle est quand même assez faible, puisque même s'ils sont nombreux à 790 km d'altitude, tu as quand même beaucoup d'espace. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais le risque existe. Le risque existe puisque la preuve, c'est arrivé. Ça a failli arriver aussi pour la station spatiale internationale. Donc, il est non négligeable et puis il faut vraiment la prendre en considération avec une énorme attention, quoi. Ouais, et il y a quoi comme solution? Donc, ben, y a eu pour l'instant seulement des, enfin, y a eu des pourparlers, des recommandations en fait, surtout qui ont été avancées comme mesures de prévention. Il y a par exemple, il existe la règle dite des 25 ans qui impose que tout satellite se trouvant sur une orbite basse doit rentrer dans l'atmosphère avant un quart de siècle. Voilà, il y a plusieurs recommandations, on va dire plus de prévoyance, mais il n'y a pas encore eu vraiment de projet qui a été fait. Alors par contre, heureusement, il y a nos amis suisses qui sont là, et on va reparler de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, puisque des chercheurs de cette grande école ont pour projet justement de concevoir une espèce de satellite éboueur pour nettoyer les orbites terrestres les plus encombrées. Donc ce projet a été annoncé très récemment, en février 2012, et un premier prototype qui s'appelle le Clean Space One est en cours d'étude au sein du Swiss Space Center. Donc il aura pour but d'aller récupérer le satellite SwissCube, hein, donc vous vous souvenez, le premier satellite suisse qui avait été envoyé, et puis de redescendre avec lui et d'aller brûler dans l'atmosphère. C'est super galère, faut envoyer un satellite pour aller chercher chaque satellite en fait. Voilà, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est. Ben pour Ça va l'instant, coûter c'est cher, quoi. ça. Oui, ça coûte cher. Donc, ça coûte cher. Ouais, la réalisation, elle est prévue pour entre 2015 et 2017. En fait, ça dépendra justement du financement obtenu, puisque c'est un projet qui coûte quand même 8 millions d'euros. Bah ouais. Ah ouais, pour aller récupérer. SwissCube, il pèse combien, t'as dit? 900 grammes, 800 c'est ça? grammes, ouais. 800 Ah, 800 grammes. grammes celui-là. 800 grammes. Mais je trouve que c'est une Fait, c'est plus mentalité. un C'est une mentalité. message, quoi, non? Ouais, c'est plus un message bien sûr, mais ça me fait rire quand j'y pense, c'est une mentalité très suisse, ça. Ah, totalement, ouais. On a envoyé un petit bout de 800 grammes dans les soffes, mais vous inquiétez pas, hein, On va on va aller dépenser 8 récupérer. millions pour aller passer un coup de balai. Voilà, vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ouais, c'est tout nous, ça. Pendant que les Américains envoient des objets, ils laissent des objets errés qui font 900 kilos ou une tonne, quoi. Ouais. Mais là, tu parlais tout à l'heure de réglementation. Oui? Tout ça, il n'y a pas de, y a pas de, enfin, ce que je me demandais, c'est l'espace. Il n'y a aucune loi qui s'applique dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on, comment, est-ce qu'on peut condamner, enfin, tu vois, il n'y a pas de, quelle est la législation, il n'y a pas de législation dans l'espace. Est-ce qu'il y a une législation? Il y a. Ah, bonne question. Bonne question, Bah, Clément. les pays sont déjà pas habitués Embête. de se mettre d'accord dans les eaux Ouais, c'est. internationales. Il y a pas. Non, il y a pas de. Je pense pas que de loi pour l'espace Ouais, qui c'est soit ça. établie. Non, non. Personne ne peut condamner Si. personne pour avoir Il balancé y a. des Il y a. satellites. Oh, il y a des conférences sur le sujet, il y a des propositions qui sont faites. Voilà, après il existe certaines lois en plus qui sont un peu idiotes, justement, où par exemple, justement, un satellite suisse, mettons ce satellite éboueur suisse, n'a pas le droit d'aller récupérer un satellite américain. Ah, voilà. Par exemple, ça Bah, c'est pourquoi il n'a pas le droit? ben, c'est comme ça, c'est une convention, voilà, C'est une c'est. convention internationale. D'accord, ok. Voilà, c'est vrai que c'est bête dit comme ça, quoi, mais voilà. Mais c'est compréhensible si, enfin, parce que si tu t'amuses à aller te toucher au satellite d'un pays, c'est normal que le pays soit pas content. Oui, non, mais on parle par exemple d'un satellite qui serait à l'abandon. Ouais, bien sûr. D'accord. Ah oui, donc en plus, le satellite éboueur doit surtout pas se tromper, quoi. Non, mais bon, je pense pas qu'il se trompe. Je pense pas qu'il se trompe dans ce cas-là, quoi. Surtout un projet de 8 millions d'euros, t'as pas intérêt à te tromper. Voilà, donc c'est quand même très cher, 8 millions d'euros. Mais ce projet sera certainement à l'origine de nombreux autres projets du même titre. Car même si la construction de satellites éboueurs est coûteuse, les enjeux économiques derrière sont bien plus importants puisque l'augmentation du risque de collision va avoir pour conséquence l'augmentation du coût des assurances sur les satellites, qui s'élève quand même actuellement à 20 milliards de dollars pour un satellite de communication. Et Une par brindille, hein. voilà, une brindille. Une paille. Et donc par ricochet, ça va être l'augmentation du prix des services par ces satellites, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est 8 millions d'euros comparé à 20 milliards de dollars, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, là, c'est 8 millions pour récupérer un satellite de 800 grammes. Ça serait un peu plus pour récupérer un satellite de 900 kilos, quand même. Mais bon, ça serait quand même, je pense, en dessous des coûts d'assurance. Voilà, donc ben maintenant on arrive à la conclusion de ce dossier. Alors pour conclure, il faut quand même savoir que certains des satellites en orbite sont observables à l'œil nu, et notamment la station ISS. Donc pour les amateurs, hein, il existe de nombreux sites ou logiciels qui fournissent les éphémérides. Alors c'est une éphéméride, hein, pas un éphéméride. Donc les éphémérides, c'est-à-dire ce sont des tables astronomiques en fait, hein, qui fournissent pour chaque jour les positions des astres et des objets célestes. Alors, on peut citer par exemple Celestrac ou CalSky. Ok, t'as mis les liens Oui, dans ton oui. dossier? Ok. Voilà, j'ai mis les liens dans le dossier. Il y a aussi une vidéo sur le Clean Space One, le satellite éboueur, donc, enfin, qui parle un peu du projet et des raisons de ce projet. Et voilà, et puis il y a d'autres petites photos et schémas qui seront dans le dossier. Excellent. Et on peut pas leur envoyer des missiles aux satellites? Le problème, c'est que si tu envoies un missile, tu vas créer des débris encore Ah oui, plus. ça fait que multiplier le nombre de débris. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont fait ça, les Chinois. Ils ont, je sais plus quand, en 2008, il me semble, ils ont tiré un missile sur un satellite. Et maintenant, il y a des milliers de débris. Alors, j'avais vu d'ailleurs, alors je ne l'ai pas mis dans le dossier, mais j'avais trouvé, il y avait une carte, c'était un schéma d'une carte des débris qui avait provoqué ce tir de Ouais. missile. Donc, c'est assez énorme. Et C'était. par contre, je croyais que la station Mir, là, dont tu as parlé tout à l'heure, les Russes, ils l'ont fait tomber sur la Terre, non? Ouais, elle est retombée, oui. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Non, non, c'était dans les années 2000. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit que c'est 2002, T'as mis non? C'est 2002, 2001 t'as pour dit. la fin de la station, 2001, mais il me semblait 2001, que... oui. 2001. Ouais, c'est ça. Mars 2001, ouais. Et pourquoi on fait pas ça pour tous les satellites? On peut pas leur incorporer un programme de retour à tous? Alors, ben, suivant l'orbite déjà, il Ah faut oui, des. si c'est trop loin, c'est trop loin, quoi. Il faut le ralentir, le satellite. Ouais. Il faut donc il faut avoir du carburant à bord. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a des orbites de rebut. Donc comme je disais, j'utilise le carburant restant pour mettre cette orbite. Alors c'est vrai que tu me disais, est-ce qu'il y a des orbites plus loin que les Ah bah 36 000 km? oui. Il y en a, voilà. Oui, il y a Elle des est orbites de rebut. rebut. Ouais, d'accord. Donc puisque normalement, on ne doit pas envoyer de satellite au-delà. Donc c'est pas gênant. Si on faisait l'orbite de rebut avant, c'était quand même gênant. Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc il y a ouais, ces orbites de rebut. Et puis voilà, il faut de l'essence, il faut pouvoir ralentir les satellites. Enfin, il y a des contraintes qui font que jusqu'à présent, on s'était pas encore vraiment, on n'était pas vraiment sérieux sur ce problème-là, quoi. Maintenant, on se rend compte que ça risque de poser problème. Donc on s'alerte un peu, ça commence à discuter de ça, mais. Ouais, il y a toutes ces contraintes et puis le fait qu'on se soit pas tellement posé la question non plus parce il n'y avait pas vraiment de problème encore. C'est aujourd'hui que le problème commence à se manifester et puis c'est maintenant qu'on va commencer, j'imagine, à intégrer des stratégies de rapatriement ou de destruction du satellite une fois qu'il a terminé sa mission. Oui, et puis ça allait tellement vite aussi. Voilà, le premier satellite, c'était 57. 10 ans plus tard, je pense que ça devait se compter sur le doigt d'une main ou de deux mains, quoi, le nombre de satellites en orbite. Puis ça allait exponentiellement. Là, on est à plus de 6 000 satellites qui ont été envoyés. Je crois qu'il y en a 2 500 qui sont en orbite encore en tout. Mais sur ces 2 500, il n'y en a que 700 qui sont utilisés. D'accord, donc sur les 6 000 qu'on a envoyés, il n'y en a que 700 qui sont opérationnels. Sont opérationnels, mais il y en a en fait à peu près 1 800 qui sont en orbite et qui sont abandonnés. Ah, super. Je suis toujours fasciné par la vitesse à laquelle on arrive à foutre le bordel quand même. C'est C'est incroyable. Oui, vrai. Oui, c'est vrai que c'est une chose pour laquelle on peut être fier quand même. Ouais, c'est Et pas puis mal. notre capacité à nous demander après seulement, après coup, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va faire, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de regarder là pour la notion, les droits dans l'espace, etc. Apparemment, il y a une sorte de traité de l'espace qui a été signé par tous les États qui ont la capacité d'aller dans Je l'espace. croyais que tu allais Ouais, dire par toutes les planètes. Un traité interstellaire et voilà qui donne des règles à tout ça, quoi. Oui, voilà, mais c'est des règles. Après, est-ce que c'est des lois? Je pense, il y en a qui sont pas respectées en plus, tu vois. La règle des 25 ans, dont je parlais tout à l'heure, elle est pas respectée tout le temps. Il y a plein de satellites qui restent en orbite et qui vont rester plus de 25 ans en orbite. Ouais, je suis en train de regarder. C'est surtout en fait pour interdire l'utilisation d'armes nucléaires dans l'espace et interdire l'utilisation de la Lune à des fins militaires. Donc ça reste assez intentionnel. Enfin bon, bref, ouais. Je vous ai mis dans la chat la référence du traité. Si vous allez regarder. Ah ouais, c'était la même Ah, chose. j'étais pas sur la D'accord. room, d'accord. Okay. Merci. Ah, Sur la room. j'étais déconnecté de la roue, moi, tiens. D'accord. Et puis Mais, tu. et c'est vrai que les satellites d'il y a 25 ans, ça n'existait pas, cette histoire de traité. C'est assez récent. Je crois que c'est oui, dans les années 2000 qu'ils ont fait un vrai traité, enfin un vrai traité, pour dire que maintenant il faut que les satellites retombent, qu'on ne les laisse pas comme ça, etc., etc. Tous ceux qui Oui, sont en partis plus. avant. C'est ça, en plus, ouais, c'est assez récent, quoi. Ben ça, voilà, comme je disais, ça allait tellement vite que je pense qu'on a été pris de vitesse, quoi. Ouais. Mais là, actuellement, est-ce qu'il y a des satellites, y a aucun satellite lance-missile? Il n'y a Aucun. aucun satellite Alors, militaire, sauf pour le renseignement, quoi, c'est ça que je veux dire. il y a des satellites espions. Ouais, c'est ça, c'est que du renseignement. Ce qu'il y a, c'est que s'il y en a, je pourrais pas te le dire. Oui, bah oui, on le sait peut-être pas, ouais, c'est vrai. Comme dans Ouais, GoldenEye. je te dirais non, je pense pas, quand même. Mais bon, on sait jamais. Bon, Parce que on c'est. sait qu'il y en a eu pendant la période de guerre froide. Ah, il y en a eu déjà? Ah ouais, il y en a eu, ouais. Ah oui, bah alors il y en a encore, c'est sûr, ouais. Bah, ils ont été démontés, en fait. Il y avait cette espèce d'escalade dans les années 80 entre les Russes et les Américains, qui on appelait ça la guerre des étoiles. Ça ressemble à de la science-fiction quand j'en parle maintenant. J'ai l'impression de venir Ah ouais. d'un autre temps, d'une autre planète. Mais oui, ça existait. Et puis il y a eu des accords au moment de la Glasnost pour désarmer les deux camps progressivement. Ah d'accord. Aujourd'hui, je pense qu'officiellement, il n'y en a plus. S'il y en a, ça doit être des projets secrets, mais c'est. Ouais, c'est cette guerre des étoiles massive, parce que ça avait pris des proportions hallucinantes, quoi. Chaque camp avait la possibilité de détruire plusieurs fois la planète. Ça, on a un peu arrêté les bêtises. Heureusement, ça aurait pu mal tourner. Bah Sinon, oui. on serait peut-être pas là pour en parler. Ouais, Ouais. peut-être. Ok, bon bah écoute Marco, c'était ton premier dossier qui n'avait rien à voir avec l'évolution. Moi, bon, ça a toujours un petit quelque Exactement. chose à voir avec l'évolution. L'évolution des satellites, voilà. Mais ça va? Tu te sens bien? Oui, non, ça va. Non, mais voilà, j'ai voulu me reconvertir un peu quand même. Je me suis dit, il faut changer. Je pense qu'on a assez parlé d'évolution. Voilà, on n'en parlait pas assez avant. Maintenant, je pense qu'on a assez parlé. Bon, peut-être que j'en reparlerai plus tard. Ça Ah n'exclut oui, pas. il faut. Ah bah Mais oui, bon, on n'a jamais assez parlé d'évolution. exactement. Mais il y a eu tellement de sujets demandés par les auditeurs que voilà, fallait les traiter. Donc je me suis mis un peu à cette tâche. Ouais, bah c'est excellent. Et puis Georges nous avait demandé, enfin avait suggéré une fois qu'on sorte un peu de nos zones de confort respectives. Ah ben voilà, c'est fait. Voilà. C'est fait pour moi. Ok, bah Georges, tu vois jusqu'où on va pour toi. Formidable. Ouais, c'est pas beau. Ok, on va passer à la suite. Alors, la suite, c'est le One Minute Pitch pour l'émission de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est Robin Jamais qui nous fait le plaisir de venir présenter un dossier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez entendu un peu il y a 15 jours dans notre épisode spécial sur le Palais de la Découverte. Pour rappel, Robin Jamais travaille au département de mathématiques du Palais de la Découverte depuis 8 ans. Il écrit la rubrique de maths de Sciences et Vie Junior depuis 5 ans. Et puis il est en plus cette année lauréat du prestigieux prix d'Alembert, c'est un prix de vulgarisation en maths, donc on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous en live pour l'épisode de ce soir, mais il a préparé son pitch qu'on va entendre maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne théorie mathématique? Comment est-ce qu'on s'assure qu'une phrase est vraie ou fausse? Est-ce qu'une proposition mathématique est obligatoirement soit vraie, soit fausse? Est-ce que la logique peut venir à bout de n'importe quelle question mathématique du moment qu'elle est clairement posée ? Alors, instinctivement, on pourrait penser que, même s'il y a certains problèmes pour lesquels on n'a pas encore de réponse, c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de travail, on finira bien par venir à bout de la question. C'est un peu ce que disait David Hilbert, un grand mathématicien allemand du début du XXe siècle, qui disait « Wir müssen wissen, wir werden wissen ». Nous devons savoir, nous saurons. C'est carrément ce qu'il a fait graver sur sa tombe. Sauf que non, c'est un peu plus compliqué, comme l'a montré Kurt Gödel, un logicien, en 1931. Alors, pour comprendre pourquoi c'est un peu plus compliqué, il va falloir faire un peu d'histoire des maths, essayer de comprendre un peu voilà, ce que c'est qu'une théorie mathématique, comment on réfléchit, comment on prouve, pour essayer de comprendre d'où vient ce fameux théorème de Gödel et pourquoi il a été si important dans l'histoire des mathématiques, de la logique, de la pensée, carrément. Voilà. Ok, donc on n'a pas... Enfin, si je pense qu'on aura Nico, qui aura certainement plein de questions, il faudra qu'on le... et de commentaires, il faudra qu'on le retienne un peu. Sinon, on ne comprendra rien à la conversation. Ouais, ça a l'air super intéressant, là, comme ça. C'est bien présenté. Yep, donc c'est le fameux théorème d'incomplétude de Gödel. Et transition toute trouvée, puisqu'on a entendu des citations en allemand. Marco, la semaine prochaine, tu nous fais une citation en allemand ? Une citation en allemand ? Pourquoi pas ? Le tour du monde des citations. Ouais, je passe après. Ok, bon, avant de passer à la quote en anglais de Marco, qui n'est peut-être pas en anglais, peut-être pas de Marco. Franck, est-ce que tu avais quelque chose dans la boîte ? Ouais, non, je suis désolé, je vais pas voir, je vais pas voir pour la semaine prochaine. Ok, on en parlera la semaine prochaine. Donc, la quote, Marco ? Oui. Est-ce qu'on a une quote en anglais de Marco cette semaine ? Moi, j'en ai pas personnellement. Bon, parfait. Attends, à moins que... Alors, du coup, on a une quote en français dénichée 30 secondes avant le début de l'épisode qui nous dit « À l'heure où les satellites traversent toutes les frontières, les langues, les idéologies, il est impossible de créer une société hermétique. » Et c'est de Alan Bay. Je suis en train de méditer dessus, en fait. Ouais, c'est parfait. Bah, écoute, tu vas méditer tranquillement jusqu'à la semaine prochaine quand tu viendras nous présenter ta quote en allemand. Ok. Et puis d'ici là, d'abord, merci à tous. Merci à Georges d'avoir contribué à cet épisode. Tu reviens quand tu veux, ce fut un plaisir. C'est gentil, merci. Et puis sinon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Ah bah, yep. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'essaie d'être à l'heure. Parfait. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.